L'interview. Stéphane Macaire, un communiqué a été diffusé à la presse ce vendredi indiquant que les groupes Galeries Lafayette et Casino avaient trouvé un accord mettant fin à leur litige concernant Monoprix. Expliquez-nous le contenu de cet accord. Eh bien, il s'agit d'une lettre d'intention qui précise les conditions dans lesquelles Casino et Galeries Lafayette vont faire évoluer leur actionnariat. Il s'agit donc de mettre fin à leur litige qui durait depuis quelques mois et qui devrait conduire d'ici la fin de l'année 2013, le 31 octobre 2013 précisément, au rachat par Casino des parts de Monoprix détenues aujourd'hui par les Galeries Lafayette. C'est une excellente nouvelle puisque ça nous donne de la visibilité et la capacité à nous inscrire davantage dans le temps en sérénité et de mettre en œuvre nos différents projets pour être encore plus à la manœuvre dans un contexte de consommation que nous sentons de plus en plus tendu, chahuté, complexe, avec une clientèle très promophile, à continuer à cranter, si je puis dire, pour permettre à cette clientèle de se sentir toujours mieux chez Monoprix. Alors cela met donc fin à une période d'incertitude pour les collaborateurs de Monoprix. Ils vont pouvoir donc conduire ces différents changements dont je parlais à l'instant. Et je crois qu'il faut également souligner, hein, puisque Monoprix aujourd'hui va basculer à horizon 12-18 mois au sein du groupe Casino à 100%, qu'il y a déjà un certain nombre de valeurs communes entre les deux groupes, multiformat, multicanal, proximité aussi, hein, géographique et relationnelle. Casino l'est également sur cette proximité géographique au cœur des villes. Et alors quand la cession sera-t-elle effective ? Alors, il y a un certain nombre d'éléments et de phases préalables à conduire entre une lettre d'intention et une cession effective. La première d'entre elles, c'est l'information et la consultation du comité central d'entreprise, nos représentants du personnel du groupe Monoprix qui auront donc lieu dans la deuxième quinzaine de juillet 2012, qui prend un certain temps, le temps pour cet organe de regarder le projet de reprise des parts des Galeries Lafayette par Casino. La deuxième étape préalable, c'est de saisir l'autorité de la concurrence qui, pour toute opération d'acquisition, doit donner son avis sur la question. Sur ce point, je tiens à rappeler que ce qui est en train de se passer est déjà passé par l'autorité de la concurrence en son temps, quand Casino est monté à 50% dans Monoprix il y a quelques années maintenant, hein, plus d'une dizaine d'années. L'autorité de la concurrence a validé la possibilité un jour pour Casino de monter à 100%. Donc c'est un processus qui, de fait, sera relativement long. Vraisemblablement, cette cession aura lieu plutôt début 2013 et au plus tard à l'automne 2013. Est-ce que pour Monoprix, il s'agit plutôt d'un changement ou d'une continuité ? Tout change, mais en fait, rien ne change. Nous intégrons à 100% le groupe Casino, donc en ce sens c'est un changement. La présidence va tourner à l'horizon début 2013. Philippe Houzet reste président du groupe Monoprix jusqu'à la fin de l'année et vraisemblablement Jean-Charles Naouri prendra cette présidence dans quelques temps. Mais continuité, puisqu'il y a déjà cet actionnariat Casino aux côtés de Galeries Lafayette qui perdure depuis un certain nombre d'années, avec lesquelles nous travaillons. Je rappelle que Casino est notre centrale d'achat, donc nous bénéficions de la massification des achats sur le périmètre alimentaire et parfumerie PGC grâce à Casino, ce qui nous permet d'être mieux placés en prix que ce que nous serions si nous étions seuls. Et puis je crois que au fil des mois et systématiquement, il y a confiance qui est affirmée dans l'équipe dirigeante de Monoprix. J'ai pu en discuter régulièrement avec Jean-Charles Naouri. Il n'y a pas l'ombre d'un doute à avoir sur ce sujet-là. Monoprix, ses spécificités, sa performance, son développement aussi, sont autant d'atouts sur lesquels compte le groupe Casino à l'avenir. Et est-ce qu'en termes d'organisation, on peut prévoir des changements qui découleraient de cet accord ? Non, aucune grande réorganisation n'est à prévoir. En particulier, il n'y a pas de déménagement prévu du siège de Clichy. Et encore une fois, l'équipe dirigeante est confirmée, la confiance est renouvelée. Cette confiance est celle du groupe Casino, mais de Jean-Charles Naouri en particulier. Et je crois qu'il y a une très belle appréciation de la performance de l'ensemble des équipes du groupe Monoprix, nos 20 000 collaborateurs, qui en ce début d'année, comme l'an dernier et en 2010, ont démontré leur capacité à faire fi des contraintes économiques, contraintes contraintes météorologiques aussi. On a encore vécu un printemps qui ressemblait davantage à un automne. Pas de soucis à se faire de ce point de vue-là. Et je dirais, pour conclure, un dernier mot peut-être pour l'ensemble des équipes en magasin qui aujourd'hui conduisent cette période de solde qui est extrêmement importante pour notre activité sur l'habillement qui démarre parfaitement bien. Continuité donc et grande performance et bon courage à chacun d'entre vous, collaborateurs en magasin, au siège et en entrepôt. Stéphane Macaire, merci beaucoup. Je vous remercie.